juge Breyer en juin, dont elle a été l'assistante. La Cour suprême restera donc à 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. Sébastien Paour. La Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime sont placés en vigilance orange pour vent violent aujourd'hui en raison du passage de la tempête Diego. Pas plus de 8 degrés prévus à Lille cet après-midi, jusqu'à 22 à Nice. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture, partenaire du hors-série La vie, le monde, l'histoire des mythes fondateurs. Depuis la nuit des temps, l'être humain raconte des histoires pour expliquer l'origine de l'univers et le sens de sa vie. Ce numéro offre un panorama des mythes qui bercent l'humanité, de la préhistoire à aujourd'hui. Samedi 16 avril à 19h30, dans Carbone 14, Vincent Charpentier reçoit le mythologue Jean-Loïc Lequelec. L'histoire des mythes fondateurs, un hors-série disponible en kiosque et sur les sites web du Monde et de la Vie. Un partenariat France Culture. Le Covid-19 peut présenter des risques graves pour les femmes enceintes. Il multiplie leur risque d'être admises en soins intensifs ou de donner naissance à un grand prématuré. C'est pourquoi la vaccination contre le Covid-19 est recommandée dès le début de la grossesse pour se protéger et protéger son enfant. N'attendez pas. Parlez-en avec un professionnel de santé ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Vous écoutez France Culture, il est 9h06, le cours de l'histoire, c'est maintenant avec Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Margot Delpierre, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Il descend d'une illustre famille du Sud-Ouest, il est là, il est fou d'histoire, il s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire, pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire, celle de leur vie, celle de leur famille, aussi une histoire collective, la nôtre, d'azur à la croix d'argent, accompagnée en chef de 3 fleurs de lys d'or, posées 2 et 1, des couleurs, des formes, des symboles, l'artiste Jean-Charles de Castelbajac, fou d'histoire. Jean-Charles de Castelbajac, bonjour. Bonjour. Je viens de rappeler les armes de votre famille. Absolument. D'azur à la croix d'argent accompagnée en chef de 3 fleurs de lys d'or posées 2 et 1. C'est ça. Ça vous parle? Ça veut dire quelque chose dans votre histoire? Ça vous a toujours accompagné? Oui, ça a accompagné ma vie de petit garçon déjà, parce que ça a été une forme de remontée dans le temps que de m'intéresser à l'histoire de ma famille. Les armes dont vous parlez, en fait, c'est les armes, je dirais, récentes de ma famille, puisqu'elles ont été données à l'époque de Charles VII, mais les armes anciennes étaient d'azur à la croix d'argent. Donc ça, c'est les armes anciennes qui remontent, je crois, au Xe siècle. Oui, vous dites récent, en évoquant Charles VII, qui pour beaucoup de familles, même d'aristocrates, fait frémir des gens, oui. Non, c'est très ancien. Et en fait, elles sont dues à un fait d'armes d'un cousin, d'un ancêtre par alliance, qui s'appelait Arnaud Guillaume de Barbazan, et qui a défié les Anglais à la bataille de Montendre. Il voyait un gros parti anglais, il se disait que l'armée française n'était pas assez forte, donc il a eu le stratagème de proposer un combat de 7 contre 7. Et c'est au seuil de ce combat que le roi aurait dit que désormais le lys fleurit sur la croix. Et les 3 fleurs de lys sont arrivées, ouais, dans vos armes. Et j'ai toujours vu cette devise comme quelque chose, comme une attente d'épanouissement. Hein, comme il y a toujours quelque chose de rédemption dans cette devise. Oui, parce qu'il y a effectivement ces armes, il y a la devise de la famille. Vous pourriez nous la donner? Lilia in cruce fleurere, qui est la devise en latin. Et puis il y a le cri de guerre, qui est Bigor Bigor Castelbajac, qui a été, dit-on, utilisé pour la première fois au pied de Saint-Jean d'Acre par Bernard de Castelbajac en 1191, alors qu'il s'est croisé avec Richard Cœur de Lion. Voilà, une famille originaire de la Bigorre, dites-nous, Jean-Charles de Castelbajac. Et original aussi. Et original. Alors non, mais effectivement, parce que dans ces destins de famille, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est cette transmission. Comment vous savez toutes ces histoires? Qui vous les a racontées? Mon père, tout d'abord, et puis des oncles, et puis aussi mes recherches personnelles, parce que enfant, j'étais passionné d'héraldisme, de Jougla Morena, d'Osier. Je consultais des ouvrages un peu à la manière d'Harry Potter, où je remontais. J'ai toujours été fasciné par les filiations, par les arbres généalogiques, mais dans tous les domaines, en fait. Je pense que je serais né dans les corons, j'aurais été fasciné par la vie de mes ancêtres aussi. Je crois que ça, c'est très important, ce lien à l'histoire, ce lien à l'origine, et de voir le destin de certains de nos ancêtres par leur particularité, par leur manière d'appréhender leur vie, leurs difficultés. Je chéris un autre de mes ancêtres qui est Louis de Castelbajac, que j'ai découvert grâce à Jean d'Ormesson d'ailleurs, qui me disait bah, vous avez la chance d'avoir un ancêtre qui s'est battu en duel avec Casanova. Et en fait, oui, dans les mémoires de Casanova, Louis de Castelbajac, qui était mousquetaire gris, s'est battu 3 fois en duel avec Casanova pour des histoires de dames. Voilà, vous lisiez Jougla de Morena, enfin tous ces auteurs d'armorio absolument sensationnels. Et d'ailleurs, vous avez livrer un texte pour le Grand Armorial Équestre de la Toison d'Or de Michel Pastoureau. C'était oui. Important aussi. Ah oui, c'est important. Et puis j'aime beaucoup Michel parce que c'est vraiment... c'est un homme tout à fait exceptionnel qui nous a présenté l'histoire d'une manière extrêmement moderne et extrêmement désirable, parce que il y a ceux qui vous montrent l'histoire comme un cénacle inaccessible, boulonné pour des spécialistes. C'est comme la science d'ailleurs. Et puis il y a ceux qui savent en parler tout en vous initiant, et Michel Pastoureau, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc il m'a demandé de participer à un ouvrage autour du grand armorial de la Toison d'Or, qui en fait était un rassemblement de chevaliers, comme il y en avait à l'époque, mais là en toute splendeur, autour de 1475, je suis pas très très fort en date, et on voit par les enluminures et les illustrations l'appareillage des chevaux, des armures et tout ça. Et moi j'ai toujours fait... je suis venu à la mode d'abord par l'histoire, hein, parce que j'ai toujours aimé le mystère de ce qu'on appelle en liturgie les reliques de deuxième catégorie, c'est-à-dire les vêtements, hein, les vêtements qui vous accompagnent, qui au fil du temps restent comme des traces insubmersibles. Et Michel Pastoureau m'a interpellé dans ce livre en me faisant parler de la modernité de l'histoire. Hein. Donc j'ai fait la relation entre le hip-hop, parce que quand je dessinais dans les années 80 pour Iceberg des pulls avec des grands cartoons, avec des couleurs primaires, c'était toujours des couleurs héraldiques. Hein. J'utilisais toujours le bleu comme d'azur, le vert sinople, le rouge de gueule et le jaune d'or. Hein. Toujours tout ça cerclé de noir, c'est-à-dire de sable. Donc j'ai créé en fait une sorte d'héraldisme pour les gens du hip-hop, pour le monde de la rue. C'est vrai. Et qui se l'est approprié. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, on voit mes pulls portés par des jeunes comme LL Cool G, ensuite comme Rapper's Delight, comme Jay-Z, qui les regardent comme des blasons de la rue. Hein. Sauf que là, c'était pas des fleurs de lys, c'était des Mickey, et qu'ils étaient. Mais leur positionnement était un positionnement héraldique. Donc, dans le livre qu'on a fait pour la Bibliothèque nationale de France, je repositionne ce travail qui vient de l'histoire et comment je l'ai appréhendé dans le pop art, en fait, parce qu'il y a une balance extraordinaire entre l'art pop. Et l'art médiéval. Hein. Donc ça a été ma passion. Et puis passion qui nous passionne, parce que il y a cette lecture à donner. Vous évoquiez ces icônes contemporaines, Mickey. Nous regardons Mickey et nous avons toute une histoire que nous connaissons, parce qu'il y a des films, il y a des parcs d'attractions. Pour l'héraldique, c'est la même chose. La lecture est plus difficile aujourd'hui, mais il suffit d'être guidé par la main et on lit des histoires. Il suffit d'accepter une certaine discipline. En fait, ce que j'aime dans l'héraldique, c'est la discipline. Je considère qu'il n'y a pas d'art sans discipline. Cette discipline, en ce qui me concerne, sur 50 ans de carrière, c'est cette discipline chromatique. Quels que soient les territoires que je touche, que ça soit l'art, les installations, la mode, et je reste dans une gamme qui est tout à fait cohérente et qui suit mon travail au travers des décennies. Et cependant, on s'aperçoit aujourd'hui, et je le vois très bien dans mon exposition Le Peuple de Demain au Centre Pompidou, où je fais un parcours initiatique en fait de l'héraldisme et de la vexillologie, qui est la science des drapeaux, l'héraldisme, la science des blasons, c'est que c'est un langage universel. C'est vraiment un langage universel qui se passe de mots et qui traduit la personnalité de chacun. Et ça, c'est très émouvant que de voir qu'une science millénaire est tellement actuelle. Cette exposition au Centre Pompidou, Le Peuple de Demain, eh bien, c'est pour aussi les enfants. Mais on sait que tout ce qui est pour les enfants et pour les grands, c'est ça qui est formidable. Ah oui, c'est ça. Absolument. Et là, on a eu un grand succès puisqu'on a dépassé 80 000 visiteurs. Bravo. Et elle est prolongée jusqu'au 19 juillet. Et ça, c'est important de venir participer et s'immerger. Jean-Charles de Castelbajac, vous avez évoqué la nécessité de la discipline pour l'héraldique, pour la création. La discipline, vous allez me dire si vous l'avez connue au château de Mesnières-en-Bray. La bannière des anciens seigneurs de Mesnières flotte sur le pays de Bray, à quelques kilomètres de Neuchâtel, dans le parc du célèbre château. Du XIe au XIXe siècle, ces seigneurs furent au nombre de 29. Sous l'aile gauche du château se trouve aujourd'hui une salle de jeu pour les collégiens. Elle conduisait autrefois à la salle des gardes, qui disposaient pour se chauffer et préparer leur repas d'une imposante cheminée. Voilà qui doit mettre en appétit les 390 convives que l'institution Saint-Joseph reçoit en permanence à sa table tout au long de l'année scolaire. Laissons ces jeunes à leur nourriture terrestre. Et par la galerie des serres, revenons à ce petit musée permanent que constitue la salle des quatre tambours. Cette pièce, la plus riche du château, tire son nom des quatre volutes du plafond. Le château de Mesnières a inspiré de tout temps les illustrateurs et les peintres. Le château de Mesnières a inspiré de tout temps les illustrateurs et les peintres. Normandie, actualité en 1966. Merci pour cette émotion. Et alors, la fameuse salle des quatre tambours, c'était le bureau du directeur. Donc, c'est là où on était punis. Vous avez été élève là-bas. Donc, j'ai été là-bas à partir de l'âge de 7 ans. Et j'y suis resté, je crois, à peu près 4-5 ans, puisque après, je suis parti chez les oratoriens à la souterraine. Et très mystérieusement, récemment, en faisant un voyage de travail dans un atelier de sculpture chez le Blond de Lienne, j'ai découvert que le village de Mesnières-en-Bray était à 3 km. Donc j'y suis retourné. Et face à cette salle des quatre tambours, j'ai été marqué d'émotion parce que c'est là où on nous mettait à genoux sur une règle pour nous faire, parce qu'on avait parlé ou on avait fait la discipline. Voilà. Et la salle de garde, dont je faisais partie effectivement de ces 390 garçons, parce qu'il y avait que des garçons malheureusement, et c'était une salle qui était tapissée de blasons multicolores. Et je pense que c'est à manière que s'est forgé mon imaginaire, parce que on n'avait pas de jouets, on n'avait pas d'objets transitionnels, donc il fallait inventer, il fallait créer, et là mon imaginaire s'est mis en chasse. Ah, c'est magnifique ça, parce que cet imaginaire est porteur d'histoire, nous l'avons dit, avec ses blasons, avec l'héraldique. Il y a, mais dans chaque blason, une histoire. Nous l'avons évoqué avec les armes de votre famille. C'est une histoire avec un combat quand arrivent les fleurs de lys. Mais c'est une histoire qui n'est pas réservée qu'aux aristocrates. C'est ça qui est aux important. Aux familles nobles, ça il faut le dire. C'est, les blasons illustraient les corporations. Les blasons illustrent encore nos villes. Les blasons, tout le monde aujourd'hui peut créer son blason. Donc, il y a cette dimension démocratique dans l'héraldisme qu'il faut souligner. Ce n'est pas le propre d'élus. Oui, c'est ça. Non, voilà. Mais c'est très important, voilà. Et vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est très important. Tout le monde pouvait créer son blason, et aujourd'hui encore, bien tout sûr. Le monde peut créer mais son blason. Mais ce qui est important au-delà du blason, c'est l'être. C'est comment chacun de nous, au travers de sa vie, de son chemin, et c'est ce qui me fascine dans l'histoire, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans les héros de l'histoire, c'est ceux qui arrivent à défier le temps et à enrayer l'inéluctable. Oui, enrayer l'inéluctable, c'est très beau parce que dans cette histoire que vous portez, Jean-Charles de Castelbajac, il y a celle de votre famille. Et c'est lourd à porter parce que c'est une famille oui. qui remonte au Xe siècle, oui. au IXe siècle. Dans la légende de ma famille, elle remonterait au 9e siècle, à 829, en la personne d'Eneco Arista, qui était premier roi de Navarre, dont on dit qu'il descendait des Castelbajac, et d'autres disent que nous descendons de lui. Mais peu importe, l'idée, c'est comme au rugby, c'est de transformer. Hein. Je crois qu'on vit un héritage familial de différentes manières, où on le revendique et on s'en sert, où on essaye au contraire d'être humble par rapport à ça, comme j'ai essayé de le faire, et d'en être digne, et de sentir que rien ne vous est dû et que vous devez beaucoup. Et puis dans cette référence au rugby que vous venez de faire, nous sentons bien ce petit clin d'œil au Sud-Ouest. Ces portes s'ouvrent lentement sur un autre monde. Derrière ces feuillages olanguis, c'est tout un passé qui va ressurgir aux yeux des curieux et au cœur des poètes. Un antique bénitier est la borne qui précède le vieux moulin où Jeanne Sayous a constitué à Bagnères de Bigorre un musée des anciennetés bigourdanes. Et pourtant, ces costumes, ils sont encore bien vivants. Comme est vivant cet intérieur de ferme ou de maison campagnarde où se retrouvent les ancêtres des objets qui, bien souvent, sont encore d'usage courant ici. Cette vieille cuisine, son vaisselier rutilant de couleurs amicales, une forge de village comme bien d'entre nous en ont connu et aimé, et les fers à cheval ou à bœuf qu'on fabriquait et composait aussi. Bagnères de Bigorre évoquée dans Midi Pyrénées Magazine en 1962. Magnifique. La Bigorre. Il y a de ça, Jean-Charles de Castelbajac, dans notre intérêt pour l'histoire, cette recherche des vieilles choses, des choses du passé. Est-ce que vous étiez un gamin qui, à l'occasion d'une visite dans une résidence familiale, vous étiez à la enquête? Moi, vous savez, j'ai toujours cette espèce de positif, négatif, de sens des contraires, en fait, hein. Parce que dès l'âge de 17 ans, par exemple, j'étais habité par cette passion pour l'histoire, mais j'étais fou de psychédélisme, de Yardbird, de Pédale Wawa, de Fuzz, de Distorsion, d'Antonioni, et donc très vite, je pense que c'est mon process créatif s'est mis en place comme ça, j'ai mis en abîme ces deux passions pour en faire ma réalité artistique. Et je pense que tout est né de là. C'est par exemple en me confrontant avec une tunique de pénitence de Saint-Louis qui est à Notre-Dame que j'ai trouvé la forme de mes vêtements, parce qu'en fait je ne voulais pas faire de mode, je voulais créer des éléments protecteurs. J'avais cette utopie que je pourrais protéger les femmes et aujourd'hui je suis heureux de voir que j'ai un peu participer à cette révélation, à participer à... D'abord, j'avais une mère qui m'a porté et qui a été mon mentor. J'ai toujours été fasciné par les femmes dans l'histoire, par Jeanne d'Arc, par Jeanne Hachette, par toutes ces femmes extraordinaires qui ont dû, au-delà de leur courage, gagner leur place au sein d'une société patriarcale. Vous avez évoqué ces reliques de deuxième catégorie, tout ce qui est issu, la tunique de Saint-Louis qui est conservée à Notre-Dame, c'est le cas. Alors, c'est de la sacrée relique, hein, quand même. Alors, ce qu'on appelle relique de deuxième catégorie, en fait, c'est tout ce que le saint a touché, hein, en fait, les tissus. La relique de première catégorie, c'est la peau et c'est les os du saint. Et en fait, lorsque j'ai habillé, par exemple, le pape Jean-Paul II, du jour où il est devenu saint, la chasuble que j'ai fait, qui était à Notre-Dame, est devenue une relique de deuxième catégorie, qui a d'ailleurs été sauvée dans l'incendie par un capitaine de pompiers, et elle est aujourd'hui considérée comme une relique à part entière. C'est magnifique d'ailleurs toutes ces histoires, parce que il y a ce temps qui passe, et puis dans les vestiges du passé, il y a les éléments destinés à rester, tout ce qui est en pierre, les œuvres d'art, et puis le tissu n'est pas toujours destiné à rester. Moi j'ai une émotion particulière sur ces vieux tissus. Le tissu est bouleversant. Je me souviens un jour, par exemple, que je collectionne des drapeaux très anciens. Je collectionne toujours là encore des drapeaux accidentels, parce que c'est des drapeaux de transition. Par exemple, j'ai des drapeaux d'anciens régimes qui deviennent des drapeaux révolutionnaires. J'ai des drapeaux de Chouan qui sont brodés avec des cheveux de Marie-Antoinette, le drapeau d'Henri de la Roche-Jacquelin, des choses comme ça, très émouvantes. Et un jour, je portais un drapeau de Bourgogne du XVIe siècle que je voulais faire restaurer par Madame Rocard, qui était une éminente spécialiste du tissu. Et j'ai vu sur sa table une toute petite robe de chambre. Je lui dis, c'est une robe de chambre d'enfant. Elle me dit, non Jean-Charles, c'est la robe de chambre de l'empereur à Sainte-Hélène. Et cette robe était rongée par l'humidité, était rongée par la sueur, et on voyait vraiment, comme dans le Saint-Suaire, une forme de calvaire, de difficulté d'être, comme l'aurait dit Fontenelle. Et puis, ces tissus comportés des personnages illustres sont souvent rangés par les mythes, parce que Napoléon lui-même est un mythe. Bien sûr, donc, c'est le danger, Jean-Charles, de Castelbajac. Il y a ce passage entre l'évocation du passé et la création. Une forme de détournement aussi, que moi j'apprécie beaucoup. Alors, c'est, par exemple, dans mon travail d'artiste, il y a toujours le fait, dans ma vision, il y a le fait que je vois les lieux historiques, une ville comme Paris, au travers du prisme de mon imaginaire. Lorsque Frédéric Mitterrand m'avait demandé d'intervenir avec Jacques Perrault sur le Pont Neuf, en pensant à l'assassinat d'Henri IV pour les 400 ans de ce fait tragique, j'ai, par exemple, cristallisé la statue d'Henri IV d'un néon qui ressemble exactement à celui de votre studio, un peu comme dans les tableaux de Francis Bacon, et l'effet était spectaculaire. On voyait ce roi renaître d'une manière hyper contemporaine de toutes parts. J'ai refait ce travail pour l'ambassade de France, pour les 100 ans d'amitié à Séoul, autour du roi Sejong. J'aime kidnapper l'histoire, j'aime m'approprier l'histoire pour la transformer. Je rêve un jour, vous savez, étant jeune, étant enfant, j'emmenais mes copains pour un drôle de voyage, mes amis, je les emmenais dormir sur les champs de bataille. Hein. Donc j'emmenais par exemple mon pote Jean-François Bizot, qui est le fondateur de Nova, je l'ai emmené à Azincourt. Hein. Bon, j'avais emporté une bonne bouteille de Bourbon et on a dormi sur le champ de bataille d'Azincourt en écoutant Led Zeppelin. Ce matin d'Azincourt, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, on a entendu des bruits, on était un peu dans une sorte de tumulte de nos rêves et tout, et on a cru un fragment de moment vivre quelque chose de cette bataille. J'ai dormi à Sekinyahara, qui est un champ de bataille terrible de 1600. J'ai toujours été attiré par ces batailles qui ont modifié l'histoire du temps. Hein. Par exemple, Sekinyahara, Culloden en Écosse, c'est toujours l'opposition de la force, de la technologie avec la ruse, la passion du passé et une forme d'archaïsme. Hein. C'est les arcs et les flèches contre les canons. Et j'ai toujours aimé les personnages issus de l'histoire qui avaient bravé la technologie avec la ruse. Par exemple, il y a un guerrier qui est Bertrand du Guesclin qui m'a toujours transporté parce que c'était l'inventeur de la guérilla. Hein. Il était d'ailleurs très aimé par Ho Chi Minh. Oui, c'est ça, parce que c'est du Guesclin, personnage extraordinaire de cette histoire, et là, on l'entend bien, Jean-Charles de Castelbajac, c'est une histoire incarnée, il y a toujours des personnages, mais vous êtes artiste, vous êtes créateur de mode, ce ne sont pas des vêtements pour rien, il y a toujours un corps dessous, il y a toujours du vivant. Oui, mais disons que mon travail protéiforme d'artiste, de créateur de mode, d'installation, tel que je le fais en ce moment, par exemple au Mobilier National, autour de 600 ans d'histoire, est toujours lié par ce fil des absents, ce fil de ceux qui étaient là avant nous, qui ont tricoté ce que nous sommes. La tour d'Assise, hein, c'est au Mobilier National. La tour d'Assise, voilà. C'est 6 siècles. La tour d'Assise, c'est au Gobelin. Et ce qui est formidable, c'est ce procédé. Vous parliez des absents, c'est une chaise vide, l'absent. Bien vous sûr. Vous travaillez sur les chaises. C'est bouleversant. La chaise qui est vraiment un référent de l'élégance, du comportement. Lorsqu'on s'assoit, on voit quel être on a en face de nous, comment il se maintient. J'ai choisi dans les archives du Mobilier National 11 chaises incroyables, parce qu'il y a une chaise Louis XIII éminente, il y a une chaise où Napoléon III s'est assis, une chaise où Napoléon Ier s'est assis, et je les ai mis en majesté, je les ai mis en hauteur, dans une salle en totale obscurité, rythmée par une musique que m'a écrit Chloé, The Down, qui est une litanie électronique, et soudain, sur ma voix, je dis Louis XIII, Louis XIV, Moyen-Âge. Et sur ces mots apparaissent dans la lumière ces chaises en majesté. Et avec les fantômes qui sont assis dessus, forcément. Ce sont des fantômes, des personnages. Faites entrer les fantômes. Ben, ce sont ceux-là qui peuplent notre imaginaire et qui alimentent notre goût pour l'histoire. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoé, Ivanhoé, aussitôt que tu parais, l'espoir prenait. La vue de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Saint-Georges est notre roi, chevalier sans foi, prêtre par jures et félons, tremblez dans vos donjons, de son bras, rien ne vous sauvera. Ivanhoé par André Dassari dans le cours de l'histoire sur France Magnifique. Culture. Une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Ivanhoé 1959, vous aviez 10 ans, Jean-Charles de Castelbajac. Ouais. Oui, et Ivanhoé, tout de suite j'ai enchaîné avec les livres de Walter Scott. Et j'ai découvert un héros que j'ai aimé au-dessus de tout qui s'appelait Nigel. Et Nigel, c'est l'histoire d'un écuyer à la cour de Louis XI, à l'époque où Louis XI... n'a pas confiance dans sa garde française, donc il fait venir des Écossais. Donc, beaucoup d'imaginaire, hein, beaucoup d'imagination autour. Alors, il y a une ambiance médiévale dans cet imaginaire. Oui, il y a une ambiance médiévale, mais il y a aussi une ambiance électro. Hein. Il y a aussi une ambiance très contemporaine, hein, parce que en fait, c'est ma passion, elle est là, c'est de regarder vers le futur avec un bagage et une force qui vient de loin. Est-il possible d'ailleurs d'être créateur sans regarder le passé, de partir de rien? C'est impossible en fait. On s'appuie toujours sur quelque chose, un héritage. Oui. On s'appuie toujours. Je pense que par exemple, beaucoup d'artistes s'inspirent de l'histoire de l'art. Le départ, par exemple, de mon installation au Centre Pompidou, c'est le tableau de Paolo Uccello qui s'appelle La bataille de San Romano, où il y a tout ce mouvement rythmique qui nous a amené ensuite à My Bridge et aux décompositions du mouvement. Non, tout le départ, bien sûr, est dans l'histoire. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis parfois, c'est sur un blouson que l'art se crée avec, et puis là, ce n'est pas des moindres des artistes, c'est Kissaring. Bonjour à toutes et à tous, la Biennale de Paris à la Villette, et en ce moment, sur ma manche, Kissaring. Il fait partie des hommes de notre temps, et on peut dire, Claude Mollard, pour vous, délégué aux arts plastiques, que c'est vraiment la rencontre des arts plastiques de notre temps, cette biennale, non ? C'est un grand événement international, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça à Paris. Un petit mot, parce que pendant que Gérard Morin va nous tenir informés de l'essentiel de l'actualité, Kissaring va continuer à peindre mon blouson. Que représente Kissaring aujourd'hui ? C'est à la fois le graphisme dans l'art, c'est en même temps l'instantané de l'art, puisque là on le voit en train de peindre directement sur un textile, mais ici à la Biennale, il a fait deux grands murs, et il les a peints hier et avant-hier. C'est-à-dire que c'est l'art qui se met sur les murs, c'est là donc proche de la vie quotidienne, et c'est en même temps un instantané, en quelque sorte. Nous étions en 1985, au journal télévisé de 13h, Yves Morizy. Déjà, c'était sublime d'imaginer ce moment-là. C'est cette idée aussi, Jean-Charles de Castelbajac, d'envahir l'ensemble du monde par l'art. C'est ça qu'on aime beaucoup, un blouson, un mur. Bien sûr. Je suis très touché d'entendre cette... On aurait dû entendre Kissaring aussi, mais d'entendre cette intervention, en fait. J'ai toujours pensé tous les murs qui séparaient toutes les disciplines étaient à faire sauter. Donc très tôt, j'ai voulu décloisonner l'art et la mode, l'art et le style, l'art et la musique et la mode. Et je crois qu'on est aujourd'hui enfin dans une époque où c'est arrivé. Après ce long chemin, je pense que le digital, Internet, tout ça nous a amené à ce décloisonnement. Kiss, c'était un être tout à fait exceptionnel parce que il avait cette générosité du trait. Son trait était là pour partager, pour donner. Moi, il m'a beaucoup appris. J'ai commencé à dessiner à la craie après avoir vu Kiss dessiner avec mes fils. Il faisait des cadavres exquis et mes enfants étaient plus audacieux que moi. Moi, j'avais une forme de timidité de mon trait. Et du jour où j'ai vu ça, j'ai commencé à dessiner dans la rue et j'ai dessiné surtout des anges en reprenant une tradition qui venait du Moyen-Âge, qui était le graffiti. J'ai toujours été sensible, que ça soit des catacombes de Rome, où il y a ces premiers graffitis des chrétiens qui se cachaient, quand on va dans les tours de La Rochelle et qu'on voit ces gravures qui représentent des navires qui sont à un certain niveau, à un autre niveau, c'est des chaussures de femmes qui sont des symboles érotiques. Quand on va au Mont-Valérien et qu'on voit les derniers écrits des condamnés sur les murs, j'ai toujours été très ému et bouleversé par cette trace dans la vie, dans la ville de l'artiste. Et ça, c'est une forme de d'écriture de l'histoire, en fait. Et puis ce choix de la craie qui fait que une intempérie et puis la trace peut disparaître. Oui, ça c'est le mystérieux. Le plus étonnant, c'est la relation à la rue, la relation au mur. Quand par exemple, si j'emprunte la rue du Roule et que je remonte la rue Saint-Honoré et que je reprends le chemin des condamnés qui venait de la Conciergerie qui va vers la place de la Concorde. Il y a dans cette ville de Paris encore cette présence du temps qui passe et du temps passé. Vous l'avez, vous, Jean-Charles de Castelbajac, ce filtre, vous savez, quand nous nous trouvons dans des lieux, une vieille demeure, un château ou une rue, avec le filtre de voir tel que ça c'était par le passé. Oui, moi, il suffit que je caresse de la paume un mur et j'ai des images qui viennent, mais est-ce les images réelles ou celles de mon imaginaire? Elles sont peut-être aussi sublimes l'une que l'autre, et peut-être plus sublimes si elles viennent de l'imaginaire. Et dans ce cheminement, on évoquait sur les murs ces anges. Il y a le graffiti qui a une histoire, et vous l'évoquiez, hein, ce 16e siècle magnifique pour les graffitis, puis la figure même de l'ange, le putti, tous ces putti qui apparaissaient. Oui, en fait, l'ange que je dessine, c'est un ange... de conquête, en fait. C'est un ange de protection, c'est un ange gardien. Et puis, c'est un dessin qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps et qui ponctue Paris. Je reçois sur Instagram et des anges que j'ai dessinés il y a 2 ou 3 ans qui sont cachés dans le recoin d'une rue sombre. Et puis dans cet écho sans cesse entre le passé et le présent, mais c'est toute votre vie et votre œuvre, Jean-Charles de Castelbajac, et comme tant d'autres, le passé est essentiel. Mais dans ce qu'il reste toujours, c'est, vous l'avez déjà cité, la discipline. C'est-à-dire qu'au moment où l'on s'engage dans un monde de mode, il y a cette discipline, ce savoir du métier, transmis de génération en génération. Oui, et ça, c'est important. Sans doute. En vous écoutant, je pense aussi que... c'est parce que l'histoire que j'aime est résolument moderne que je peux la proposer aujourd'hui. Quand je regarde la force de mes couleurs, mes color blocks, comme les appellent certains spécialistes, c'est-à-dire l'art de mettre ensemble un rouge, un jaune, un bleu côte à côte, hein, et parfois de fragmenter comme dans un vitrail, de sorte à ce qu'il éclate plus, c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement fort. Donc je peux le réinterpréter avec une autre forme d'expression, avec d'autres disciplines comme le design. Et il est toujours présent. Eh bien justement, cette exposition au Centre Pompidou, Le Peuple de Demain, le choix de ces couleurs vives est un écho au passé. Alors on va peut-être pas remonter jusqu'au château de Ménières, là où vous faisiez vos études, mais même si les plafonds étaient déjà ornés de blasons, mais il y a cet écho sur le très long terme qui est intéressant, avec le drapeau, vous l'avez évoqué, cette collection de drapeaux, cette figure. Mais le drapeau... plus que tout, enfin le blason peut-être autant, est porteur de symboles et lourd de sens. Vos drapeaux, à vous, sont justement détachés d'un sens qui serait nationaliste. Bien sûr, bien sûr. Ben je pense que la présence des drapeaux dans mon travail depuis très longtemps, c'est comme la naissance d'une forme d'identité. Par exemple, dans l'exposition du Peuple de Demain, il y a 28 drapeaux qui ponctuent le lieu de l'installation et qui sont comme la naissance d'un nouvel héraldisme, en fait, qui parle de sentiments, qui parle d'émotions, qui parle de vibrations, qui parle de tremblements. Quant à la présence des drapeaux au Mobilier National, c'est une installation extraordinaire de 4 couleurs primaires qui descendent en cascade dans un escalier et qui forment un oriflamme du ciel, hein, universel. Donc les drapeaux, c'est le départ de feu de quelque chose qui est la construction de demain et qui doit être désincarné de sa dimension militaire, d'appartenance. Celle-là, on la garde, mais pour l'histoire. On la garde pour l'histoire. Voilà, pour comprendre l'histoire. Et c'est la même chose pour les blasons. Tout le monde a droit à des armes et tout le monde peut même s'en faire s'il veut. C'est une des plus jolies formes de la symbolique en Occident. Est-ce que justement cette symbolique, on la reconnaît? Ah ben oui, on officiellement. Oui, oui, justement, j'en donne tout le... Ah ben Jésus, il y a même une société d'héraldique. Les Français sont ceux qui s'en préoccupent le moins en Europe, curieusement. D'ailleurs, les Suisses, les Anglais en font grand cas, les Allemands aussi, les Belges, les Hollandais. Si Monsieur Durand, si Monsieur Bernard Durand ou Philippe Dupont a envie d'avoir des armoiries aujourd'hui, ils peuvent se les fabriquer. Il faut surtout d'abord essayer de trouver s'il n'en a pas déjà eu dans sa famille en usage, parce qu'on a payé pour en avoir tout de même à toutes les époques. Louis XIV a distribué un impôt en échange de cette vignette ravissante. Et le mot Durand est justement bienvenu parce que il est intéressant du point de vue symbolique. Durand veut dire, veut dire qu'il dure. Et alors, les armes des Durand sont souvent c'était des phénix. Parce que le phénix n'est pas renaître ses cendres. Oui, les armes sont différentes en fonction des régions, quelquefois. Ben, c'est-à-dire que c'est une famille, en principe. On donnait des armes à quelqu'un ou à une famille, à un individu donc, ou à toute une lignée. Alors les gens qui participent, comme ça, généalogiquement, de la descendance de ces gens, y ont droit aussi bien. C'est un son marqué d'une pierre blanche. Pierre Blanche, c'est le prénom et le nom de l'auteur d'un dictionnaire armorial des noms de famille avec Yves Mourousi, encore une fois, en 1974. Oui, je reconnais sa voix. Et dans cette histoire-là, c'est ce que vous nous disiez, tout le monde peut avoir de l'héraldique. Quel regard portez-vous, Jean-Charles de Castelbajac, vous dont la généalogie est écrite depuis longtemps, sur toute cette passion généalogique actuelle? Vous savez, les archives départementales sont peuplées de généalogistes et les sites internet maintenant permettent d'avoir accès aux états civils. Je crois que notre société est en quête de sens, en quête d'histoire, en quête d'émotion, en quête d'immersion dans l'histoire. Je crois que c'est la force de l'art aujourd'hui. Par exemple, quand je vois la démarche de quelqu'un comme Chris Dercon, qui dirige le Grand Palais aujourd'hui, il y a cette volonté d'immersion et de placer l'art face au divertissement. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est en construction en ce moment, qui est passionnant. C'est-à-dire que moi, je vois au travers de mes différentes expressions, la mode, par exemple, chez Benetton, qui n'est pas la mode, mais qui est plutôt du style, c'est-à-dire c'est des vêtements qui sont liés à une sorte d'intemporalité, où l'histoire est un référent chromatique, hein, parce que là encore, je viens de faire une collection où l'arc-en-ciel est très présent, où les quatre couleurs primaires sont omniprésentes, mis en contraste avec une couleur un peu plus sombre comme le bleu marine. Les installations, tout ça participe à réinterpeller autour de cette notion d'identité. Hein. Et je crois que c'est ça la passion des Français. Si demain on faisait une exposition immersive sur l'histoire de France, comme je rêve de la construire, je l'ai déjà dessinée. Hein. J'ai déjà dessiné une sorte d'installation gigantesque qui raconte les grands faits historiques qui m'ont fasciné. Donc, alors effectivement, il y a Azincourt, il y a du Guesclin, mais il y a aussi les mines du nord de la France, et il y a différentes facettes de l'histoire qui ont interpellé d'abord un petit garçon, un jeune homme, puis un homme, et qui ont fait l'homme que je suis. Et je pense que chacun de nous a en lui des référents qui sont comme des miroirs de notre âme, de parcours historique. Et je pense que quand je vois, par exemple, l'anniversaire qui avait eu lieu de 1789 en 1989 et la grande parade du génial Jean-Paul Goude qui descendait les Champs-Élysées avec cette évocation de l'histoire qui allait du Moyen-Âge à la Révolution, les Français sont prêts aujourd'hui à rencontrer leur histoire. Hein. Alors, des gens comme Stéphane Bern font un travail remarquable, il faut le dire. Ah oui. C'est une histoire évoquée, racontée, séduisante. Tous les propriétaires de jolies demeures, moi j'en connais un, mon cousin Guilin, qui restaure le château de Caumont, qui est un château familial, et avec sa femme Mathilde, mais c'est un sacrifice. Hein. Ce n'est plus des châtelains du XVIIIe siècle. Ils rament, hein, même si c'est des bateaux de pierre, ils rament fort. Et je dis que cette énergie autour de l'histoire, elle est fascinante. Elle est fascinante parce que elle nous réunit, elle nous rassemble. Quand je vois mes 80 000 visiteurs du peuple de demain dans un sanctuaire comme le Centre Pompidou est, c'est-à-dire un sanctuaire de modernité, de partage, un agora d'échange, je suis bouleversé, que ce soit autour de l'héraldisme et de la vexillologie. Et lorsque je vois le succès de mon installation, la tour d'assises au Mobilier National, pareil. Donc les artistes ont le devoir d'être les chefs d'orchestre, les grands organisateurs de cette rencontre entre notre histoire et le trouble de la modernité. Parce que l'histoire n'est pas forcément quelque chose de joli, c'est quelque chose de troublant. Donc le trouble, qui dit trouble veut dire émotion. L'émotion au cœur... Je me souviens, je racontais la vie de Bertrand du Guesclin à mes enfants lorsqu'ils étaient petits et comment il s'habillait en femme pour faire croire qu'il était une vieille dame et les Anglais ouvraient leur château. Alors je faisais les bruits qui pour parler d'émotion, donc je faisais le vent. Puis je faisais les portes qui s'ouvraient. Aujourd'hui, c'est des choses simples qu'il faut raconter parce que on est face à une société qui nous aide à propager, hein, comme Instagram, tout ce qui est le digital, toutes les images qui se propagent. Mais généralement, les images que l'on propage manquent de simplicité, manque d'émotion. Quand j'ai dessiné Le Peuple de Demain, je l'ai fait avec mon trait. Et lorsqu'on voit chacun des 800 dessins qui sont présents, qui sont devenus des sculptures, on voit, on sent ma main. Et je dirais, je citerai Platon, l'homme est intelligent parce qu'il a une main. Et il est sensible parce qu'il a une histoire. Je vous rejoins sur la nécessité de l'émotion, parce que cette émotion, nous la vivons tous devant la beauté esthétique, devant l'émotion de l'ancienneté. C'est très important, l'émotion et le sens. Comprendre les choses. Jean-Charles de Castelbajac, c'est vrai que le détournement est au cœur aussi de votre... Le détournement et l'appropriation. J'adore ça, détournement, oui. Appropriation, mais c'est le travail de l'historien et de l'historienne. Un acte d'état civil, un acte notarial n'est pas fait pour devenir document historique. L'historien, l'historienne le prend, le détourne, oui. Arrive à trouver des choses mais à dire. Tout à fait, tout est chargé d'histoire. Je viens de dessiner une marinière que j'ai appelée la Parinière, parce que je l'ai fait pour le Centre Pompidou et Armor Lux, qui est une maison, je cite son nom parce que c'est une vraie maison française, fabriqué en France, les marinières, vous savez, il y a des rayures, alors donc on se dit c'est des rayures. Non, ce n'est pas que des rayures, c'est le nombre de batailles gagnées par l'empereur Napoléon, le nombre de batailles navales. Donc l'histoire est derrière chaque signal de modernité. Et ben Michel Pastoureau, notamment, a travaillé sur l'histoire de la rayure. Très beau livre. C'est merveilleux. Très beau livre. Au moment, Jean-Charles de Castelbajac, de vous emparer de sujets comme tout ce que nous évoquons, l'héraldique et la science des blasons, oui. Il y a tous ces différents aspects qui sont là, mais l'enfant, Jean-Charles de Castelbajac, est toujours un peu présent. Il n'a pas simplement l'étude historique avec Michel Pastoureau, l'étude esthétique. Il y a aussi cette émotion. Oui, l'enfant, je suis enfin, si vous voulez, comme je dis souvent que lorsque j'étais enfant, j'ai dû devenir adolescent tout de suite, hein, pour vivre dans cette pension particulière. Ces pensions, c'est 11 ans de pension. Lorsque j'étais adolescent, à 17 ans, j'ai commencé à travailler, donc j'ai été adulte tout de suite. Et là, je suis enfin devenu, j'ai eu cette révélation, parce que je citais souvent Cervantes et je disais « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Et puis un jour, j'étais au cœur de mon exposition à Pompidou, entouré d'enfants. Et là, je me suis dit « Là, Jean-Charles, tu es devenu enfin l'architecte de ton enfance ». C'est très beau. Voilà, donc je suis l'architecte de mon enfance. Et c'est très difficile d'ailleurs. Et c'est très émouvant parce que... Et parfois, je me dis qu'il faudrait plusieurs vies pour vivre cette enfance. Et puis avec tous les enfants que vous croisez, notamment lors de cette exposition, hein, Le Peuple de Demain, il y a l'intemporalité de l'émotion. Oui. Face à un blason, face à vos œuvres, les enfants réagissent. C'est ça qui est merveilleux aussi. Et puis la manière dont ils construisent. Là, ils ont construit, on a un partenaire en drapeau qui est Doublet, ils ont construit plus de 12 000 drapeaux. On a eu 12 000 drapeaux créés sur le site. Et on a des écoles qui viennent. On a notamment un partenariat avec les écoles de Montreuil. C'est extraordinaire. On a 300 petits-enfants qui viennent et qui reviennent et qui s'initient à la création. Il y a Julien Granel, qui est un compositeur merveilleux, qui a fait la musique des blasons, la musique des drapeaux. Donc, le tout, c'est de matiner l'histoire, d'entourer l'histoire d'un halo de créativité, de contemporanité. Hein. Ce n'est pas une histoire surannée, c'est une histoire de demain. Oui, et c'est l'intérêt de tout le monde, parce que historiens, historiennes ont besoin de gens passionnés pour les prendre au plus jeune âge. Et même France Culture, nous avons besoin de nos futurs auditeurs et auditrices. Bien sûr. C'est ce plaisir, en fait, qui nous transcende. Et puis, juste pour terminer, sur la tour d'assises avec ce mobilier national ou encore cette idée d'exposition future d'une histoire de France, Jean-Charles de Castelbajac, il y a ça aussi qui nous plaît, c'est l'infini des sujets possibles. En fait, cette histoire de France, faudra la raconter un jour en exposition. Bah, j'adorerais faire mon parcours historique, qui demande un investisseur, qui est une grande installation, mais qui est, je m'aperçois que cette notion d'immersion, de faire partie de l'histoire, par exemple, dans cette installation, il y a un passage qui est à la température qu'avaient les soldats durant la Bérézina. Donc, c'est vivre l'émotion, c'est vivre l'histoire. Ce n'est pas seulement être confronté en spectateur à l'histoire, à la beauté, c'est un voyage dans le temps. Vous nous avez fait vivre votre passion pour l'histoire. Merci vivement, Jean-Charles de Castelbajac. Back to the future, dirait Hollywood. C'est absolument merveilleux. Voilà. Merci vivement. Mais à l'histoire, vous. C'est demain. Ben voilà, donc demain, il y a ces expositions pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Allez. Le peuple de demain à Pompidou et la tour d'assises au Mobilier National. Ouais. Merci vivement. Et nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel. Merci à vous. Avec le Pourquoi du Comment. Connaissez-vous Pauline Léon, la sans-culotte qui voulait former des compagnies d'Amazon? Née en 1768 à Paris, Pauline Léon était la fille d'un fabricant de chocolat, mort en 1784. Aînée d'une famille de 5 enfants, dès l'âge de 16 ans, c'est elle qui a dû tenir le commerce familial aux côtés de sa mère. Le 14 juillet 1789, elle avait assisté à la prise de la Bastille. Et par la suite, elle apporta un soutien sans faille au combat des révolutionnaires. Pour comprendre son rôle, il faut rappeler que, dès ce moment-là, la question de la citoyenneté était devenue un enjeu politique majeur. Les sans-culottes récusaient la délégation de pouvoir au nom d'une démocratie directe qui privilégiait l'action révolutionnaire et la force physique. C'est ce qui explique qu'à leurs yeux, seuls les hommes pouvaient être vraiment citoyens. Pour espérer obtenir l'égalité des droits, les femmes révolutionnaires devaient donc faire aussi leurs preuves sur le terrain de l'action violente. Voilà pourquoi Pauline Léon et ses camarades consacrèrent beaucoup d'énergie pour prouver, par des actes physiques, qu'elles étaient de véritables citoyennes. Pauline évoqua dans ses écrits plusieurs incidents dont elle fut la victime ou l'actrice. En février 1791, par exemple, elle défenestra un buste de Lafayette et fut elle-même molestée par les partisans de ce dernier. Quelques mois plus tard, au retour du Champ de Mars, elle fit aussi le coup de poing pour défendre une amie contre la famille d'un garde national. Pauline Léon fut sans doute la principale rédactrice de l'adresse individuelle à l'Assemblée nationale signée par 320 Parisiennes. La preuve qu'à ses yeux, c'est par leur action physique que les femmes pouvaient prouver qu'elles étaient de véritables citoyennes apparaît clairement dans cette pétition, car ce n'est pas le droit de vote qu'elles réclament, mais le droit de porter des armes et d'organiser une garde nationale féminine. Oui, messieurs, ce sont des armes qu'il nous faut, et nous venons vous demander la permission de nous en procurer. « Vous ne pouvez nous refuser, ajoute Pauline, et la société ne peut pas nous ôter ce droit que la nature nous donne, à moins que l'on ne prétende que la déclaration des droits n'a point d'application pour les femmes et qu'elles doivent se laisser égorger comme des agneaux. » Pauline Léon poursuivit son action en faveur des femmes citoyennes en fondant, avec Claire Lacombe, la Société des Républicaines Révolutionnaires le 13 mai 1793. Elles annoncèrent alors qu'elles voulaient former des compagnies d'Amazon par la réquisition des femmes de 18 à 50 ans. « Il est temps que vous ne voyiez plus en nous des femmes serviles, des animaux domestiques !» s'exclama Pauline au club des Jacobins pour obtenir leur soutien. Mais ce combat se solda par un échec. Le 30 octobre 1793, toutes les sociétés de femmes furent dissoutes par la Convention. Le 3 avril 1794, Pauline fut arrêtée avec son mari, Jean-Théophile Leclerc, sur ordre du Comité de Sûreté Générale. Tous deux furent écroués à la prison du Luxembourg, mais finalement, ils furent rapidement libérés. On perd ensuite la trace de Pauline Léon. On sait juste que, sous le Premier Empire, elle s'installa chez sa sœur, Marie-Reine Antoinette, à La Roche-sur-Yon, ville qui s'appelait alors Bourbon-Vendée, où elle mourut en 1838. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou. Cette émission à écouter, à podcaster comme les précédentes sur franceculture.fr et l'appli Radio France.